Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e émission de la 2e saison de Mi-Science Impossible. Notre mission, vous expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien et mieux encore, le fonctionnement passionnant de nos industries. Pour cela, nous disposons de 30 minutes au cours desquelles nous expliquerons, discuterons et viendrons à votre rencontre pour percer des mystères scientifiques. Qui sommes-nous? Une équipe d'étudiants ingénieurs de l'ENSIC totalement animée par les sciences. Notre école, l'ENSIC, vous la connaissez. Présente à Nancy depuis 1887, elle se situe entre le parc de la Pépinière et le faubourg des Trois Maisons. Son credo, c'est de transmettre les méthodes physiques et chimiques qui permettent de transposer à l'industrie ce qui se passe à l'échelle du laboratoire. Rien ne lui échappe. Chimie, énergie et environnement, tous les grands enjeux actuels sont concernés. Alors, prêt à partager un moment de science en notre compagnie? Aujourd'hui, les trois chroniqueurs présents en plateau avec moi sont Axel. Bonjour à tous. David. Bonjour. Et Léa. Salut. Et c'est d'ailleurs toi, Léa, qui va commencer cette émission. Et vous allez vite vous rendre compte qu'elle a décidé d'innover, donc je vous laisse découvrir la suite. Salut, du coup, moi je me suis toujours demandé en quoi consistait le métier de chercheur, quelles études on faisait et combien de temps ça pouvait nous prendre. Pour cela, je suis partie interviewer un chercheur chez L'Oréal, Monsieur Forestier. Voici un extrait de notre interview. Bonjour Monsieur Forestier, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc je m'appelle Serge Forestier, je suis actuellement à la retraite depuis une bonne dizaine d'années et j'ai passé 40 ans de ma carrière dans l'industrie cosmétique comme chimiste en recherche avancée et en recherche appliquée. J'ai commencé, j'allais dire tout petit, à faire de la chimie. Par chance, à l'époque, lorsque j'étais au collège, on commençait à faire de la chimie depuis la quatrième. Et ça m'a toujours beaucoup intéressé. Et pour la petite histoire, ma première expérience, je l'ai faite dans le garage de mes parents. Et j'ai eu la bonne idée de mélanger un produit qui était destiné à détartrer les toilettes et de l'eau de Javel. Le résultat ne s'est pas fait attendre, ça a commencé à mousser. J'ai eu la bonne idée de mettre mon nez au-dessus. J'ai fait un bond en arrière, parce que, évidemment, ce type de mélange, ça dégage du chlore, et c'est pas particulièrement bon pour la santé. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à m'intéresser à la chimie. Quelles études avez-vous fait pour être dans le domaine de la recherche, et pourquoi avez-vous décidé de vous diriger vers cette voie? Alors, j'ai suivi un cursus dans un premier temps relativement classique, puisque je suis rentré au lycée en classe de seconde. J'ai fait une terminale qui s'appelait à l'époque sciences expérimentales, avec beaucoup de chimie, beaucoup de cours et beaucoup de travaux pratiques. Et à la fin de cette année scolaire, donc à la fin de la classe terminale, j'ai décidé d'entrer dans une école de chimie à Paris. J'ai passé 2 ans dans cette école, j'ai passé un BTS, et je n'avais pas très envie à l'époque de continuer mes études. Je suis rentré directement dans l'industrie. Et pourquoi vous avez décidé de vous diriger vers cette voie? J'hésitais à l'époque entre deux voies. L'une plus orientée vers la biologie et l'autre vers la chimie. Et puis, en y réfléchissant, la biologie, je trouvais que pour moi, moins intéressant que la chimie sur les aspects expérimentaux. Donc, j'ai choisi cette voie vers la chimie. Alors, cette voie vers la chimie, elle m'a aussi été un peu ouverte parce que j'ai fait un certain nombre de stages, enfin, on appelle ça des jobs d'été maintenant, pendant les vacances. Et mon premier job d'été a été dans un laboratoire de chimie, un laboratoire d'analyse, chez Kodak. Après votre BTS, pourquoi vous n'avez pas intégré directement, comme les jeunes de notre époque, une école d'ingénieurs? Parce que j'avais envie de me frotter au milieu professionnel, de mettre les mains dans le cambouis, comme on pourrait dire, et de mettre en application tout ce que j'avais appris pendant mes 2 années de BTS. Cela dit, j'avais tout de même en arrière-pensée d'apprendre un peu plus de choses que ce que le BTS m'avait permis d'apprendre. Et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit dans un système de cours du soir qui se passait à Paris, au Conservatoire national des arts et métiers. Et l'objectif était d'obtenir à terme un diplôme d'ingénieur. À la sortie de votre BTS, combien de temps vous avez mis pour trouver une entreprise? Oh, ça a été extrêmement rapide. Après avoir passé mon BTS, donc, j'ai fait mon dernier stage d'un mois en labo d'analyse chez Kodak. Dès la fin de mon stage, le patron du site m'a demandé si j'aurais été intéressé pour rentrer chez Kodak. La seule contrainte, c'est qu'il ne prenait pas de jeunes comme je l'étais à l'époque tant qu'ils n'avaient pas fait leur service militaire. Donc ça me mettait un décalage d'un an et demi. J'avais 2 autres propositions. L'une chez Péchinet Eugène Kuhlmann à Levallois, dans la banlieue parisienne, et l'autre chez L'Oréal, dans la banlieue parisienne également, mais beaucoup plus près de l'endroit où j'habitais à l'époque. Alors, ce qui était fabuleux à l'époque, c'est qu'on sortait d'une école et on trouvait tout de suite du travail en CDI, y compris dans le cas particulier de L'Oréal, où je suis entré dès la fin des vacances d'été, bien que n'ayant pas fait mon service militaire. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet qui vous a pris le plus de temps? Combien vous étiez à travailler sur ce projet et le déroulement de cette recherche? Le projet qui nous a pris le plus de temps concernait la découverte de nouvelles molécules utilisables dans les produits de protection solaire, typiquement ambre solaire. C'était le cheval de bataille à l'époque et il nous fallait trouver des molécules qui avait une caractéristique particulière, qui était d'être stable à la lumière. Ce qui pourrait paraître aujourd'hui comme étant la moindre des choses, mais qui n'était pas le cas à l'époque. À cette époque, la plupart des molécules utilisées dans les produits de protection solaire se dégradaient au fur et à mesure de l'exposition à la lumière solaire, qui conduisait quelque part à, d'une part, la formation de produits de dégradation dont on ne connaissait pas forcément le comportement, notamment d'un point de vue toxicologique, et qui conduisait aussi à une perte d'efficacité au cours du temps. Donc l'idée, ça a été vraiment de trouver des molécules qui étaient, qu'on appelait photostables, c'est-à-dire qui étaient stables à la lumière, et également de trouver d'autres molécules qui pouvaient avoir la propriété de stabiliser des molécules qui, elles, n'étaient pas stables à la lumière. Donc, on jouait sur les deux types d'approches de façon à avoir le plus de choix possible dans la mise au point de ces produits de protection solaire. C'est un projet qui... On avait coutume de dire qu'une de ces molécules, qui s'appelle le Mexorilesix, il avait fallu une dizaine d'années entre la première idée et le moment où la molécule a été mise sur le marché dans un produit de protection solaire. Alors, c'est 10 ans parce que elle n'a pas été la seule molécule candidate dans ce projet. Il y en a eu d'autres. Il y a eu un certain nombre d'allers-retours d'évaluation de ces molécules qui ont fait que la première de la liste a disparu au bout d'un moment parce qu'une autre est devenue plus intéressante, plus facile à fabriquer, plus efficace. Mais dans l'ensemble du projet, il a fallu à peu près une dizaine d'années pour passer de l'idée initiale à la mise sur le marché d'un produit de type ambre solaire ou équivalent. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel produit on peut retrouver cette découverte? Alors, ces découvertes, ces inventions se retrouvent dans toutes les gammes de produits de protection solaire du groupe L'Oréal, qu'il s'agisse de protection, on va dire, à la plage, ou même dans les produits de protection journalière, type crème de jour, etc. Pour ce qui concerne les marques, elles sont connues presque du monde entier. C'est Ambre Solaire, c'est les produits solaires de La Roche-Posay, c'est Capital Soleil chez Vichy, les produits solaires de chez Lancôme, etc., etc. Enfin, tout ce qui est destiné à protéger la peau des effets néfastes du soleil. Je tiens à remercier Monsieur Forestier de m'avoir accordé son temps et d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser sur nos réseaux sociaux pour qu'ils puissent y répondre. Merci Léa pour ta chronique. Personnellement, j'ai trouvé ça trop cool d'entendre quelqu'un parler de ce qu'il a fait toute sa vie avec tant de passion. Et on espère que ça pourra aider, pourquoi pas, les plus jeunes d'entre nous à pour leur orientation scolaire et pourquoi pas susciter certaines vocations, qui sait. On se retrouve juste après une courte pause musicale et tout de suite, c'est Beautiful de Christina Aguilera. Suddenly, it's hard to breathe. Vous êtes de retour sur Radio Fadjet dans la 8e émission de Mission Impossible. Si vous venez tout juste d'arriver, Léa nous a présenté une chronique sur la recherche assez originale sur la forme. Vous pouvez retrouver ces chroniques sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. À présent, j'espère que vous êtes chaud, parce qu'Axel va nous parler de la conductivité thermique. Alors cette idée de chronique, elle m'est venue lorsque j'ai fait malgré moi une petite expérimentation. Donc vous avez de la chance, parce que j'ai l'impression que toutes les semaines, quand je viens de faire ma chronique, c'est simplement parce que j'ai vécu quelque chose. J'entends par là que c'est quelque chose qui est absolument pas à reproduire à la maison, et que je l'ai fait sans réellement réfléchir aux conséquences que cela aurait pu avoir. Tout simplement, je voulais faire griller du pain de mie pour le transformer en panure, et du coup je l'ai mis au four à 240 degrés pendant une dizaine de minutes. Et en milieu de cuisson, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée quand même de retourner le pain grillé pour être sûr de que ce soit grillé des deux côtés. Et là, première erreur. Donc dans ma tête, je me suis dit, ok, tu le prends à peine une seconde dans les mains pour le retourner, pas besoin de manique ou de torchon pour toucher le pain. Du coup, j'y vais à la main, je retourne mes pains de mie, et là je me rends compte qu'à aucun moment j'ai senti du chaud sur ma main. Donc je me fais une première fois la réflexion, tiens, c'est quand même bizarre, le four il doit mal chauffer, mais je me dis, bah non, pourtant le pain grillé est quand même bien grillé. Bref. À la fin de la cuisson, je retourne voir mon pain qui est cette fois trop grillé et je me dis bon, j'ai encore la flemme de choper des maniques, tant pis. Et là du coup, je prends mon pain dans les mains et je me dis mince, c'est quand même pas super chaud et j'ai le temps de le mettre dans le mixeur. Bon, à la fin, ça commençait quand même un peu à me brûler, mais pour quelque chose qui sort du four à 240 degrés, je pense sincèrement que je l'ai porté au moins 10 secondes. Donc tout ça pour vous dire que j'ai essayé de trouver une explication à ce phénomène. Et c'est là que je vais sûrement vous surprendre. Mais selon vous, marcher sur des charbons ardents, c'est une pratique qui est dangereuse que certains effectuent, mais est-ce que c'est quelque chose de vrai ou c'est un mythe ? Pour moi, c'est vrai. Ouais, pour moi, c'est vrai. Moi, je dirais que c'est vrai aussi, ouais. Mais c'est ça. En fait, c'est une pratique qui est certes dangereuse et je vous déconseille fortement de l'essayer. Mais en fait, c'est une technique qui, finalement, si on sait ce à quoi on a affaire, est pas si dangereuse. Donc, pour vous parler de ce phénomène, je dois vous parler des échanges de chaleur qui ont lieu entre notre corps et le matériau qu'on touche. Et pour caractériser ces échanges de chaleur, il existe un coefficient en physique qui s'appelle le coefficient de conductivité thermique. Alors pour décomposer un peu le mot, la conductivité, ça vient du fait que les échanges qui ont lieu se font sans déplacement de matière. C'est-à-dire que quand je pose ma main contre mon pain grillé, j'ai pas des particules de pain qui viennent remplacer ma main. Il y a que l'énergie thermique du pain qui se transmet et pas la matière qui la contient. Et bien ce coefficient de conductivité thermique, il caractérise la capacité d'un matériau à diffuser, c'est-à-dire à transmettre la température à laquelle il est. Et vous vous en doutez, plus la conductivité thermique est élevée, plus un matériau transmet sa chaleur à un autre. Bon, du coup, pour vous donner un ordre d'idée, celle du corps humain, elle est de 0,5 watts par mètre par Kelvin. Bon, je vous demande pas de retenir l'unité, mais juste de vous rappeler de cette valeur de 0,5. Eh bien, dans le cas du bois, celui-ci est de 0,05. Du coup, on remarque que la conductivité du corps humain, elle est 10 fois supérieure à celle du bois. Et donc, s'il y a un contact entre vous et le bois, c'est la chaleur de votre peau qui se transmet plus facilement vers le bois. Et donc, vous ne vous brûlez pas. Bon, évidemment, si vous restez plusieurs secondes avec un charbon ardent dans les mains, ça va commencer à chauffer. Mais ça, c'est parce que même si votre main, c'est celle qui transmet plus facilement l'énergie thermique, le bois, lui aussi, vous transmet la sienne, mais plus lentement. C'est pourquoi les gens qui marchent sur la braise, ça existe, et ils ne se brûlent pas forcément. Mais ils savent ce qu'ils font et ne restent pas une éternité sur ces braises. Bon, et dans le cas d'une barre en acier, cette fois-ci, on est environ à 13,4 watts par mètre par Kelvin. Autant vous dire qu'avec une conductivité près de 25 fois supérieure à celle de votre peau, vous risquez dès le toucher des brûlures au deuxième ou au troisième degré. Merci Axel pour ta chronique, alors que c'est vrai que nous, comme on est en études d'ingénieur, on a fait des études scientifiques, on avait déjà entendu parler de ce thème-là au travers de notre cursus. Et malgré ça, je pense que c'est quand même une question que beaucoup de gens se sont déjà posées dans leur vie, donc c'est cool que tu y répondes. Voilà. Donc Axel vous a parlé du toucher, et maintenant c'est David qui va vous faire travailler un autre sens, il me semble. Oui, alors rebonjour à tous. Alors moi, pour soutenir la culture après la réouverture des cinémas, je suis allé voir un film. Je suis arrivé, j'ai pris mes lunettes et waouh, j'ai vraiment cru que le dinosaure il allait manger tout cru. Alors après, je nettoyais mon pantalon, j'y repensais et je me suis demandé... comment ils avaient réussi à tromper mon cerveau comme ça à l'aide de simples petites lunettes. Alors quand je dis simple, ça allait pas tout à fait, mais c'est quand même moins complexe que ce que ça n'y paraît, vous allez voir. Tout d'abord, dans la vie de tous les jours, les hommes sont capables de distinguer des reliefs. On a tous une vision 3D. En fait, c'est notamment dû à l'écartement de nos yeux, qui vont en moyenne 70 mm. Je vous propose de faire l'expérience suivante, que l'on a tous déjà fait, je pense, chez vous. Vous fixez un objet devant vous, et vous fermez un œil. Une fois que c'est fait, vous ouvrez cet œil et vous fermez le deuxième. Vous l'aurez constaté... Si vous êtes en voiture, ne le faites pas. Hein. Bien dit. Vous l'aurez constaté, si vous n'êtes pas en voiture, l'objet aura légèrement bougé. Maintenant, quand on ouvre les deux yeux, les deux images sont transmises au cerveau, qui va les superposer et renvoyer une image finale qui rend compte de la distance et de la profondeur. C'est donc sur ce principe que se basent les lunettes 3D, ou lunettes stéréoscopiques si on veut utiliser le terme technique et paraître intelligent devant tout le monde. Alors, pour nous tromper, les cinémas, ils peuvent utiliser plusieurs techniques, mais toujours selon le même schéma. En fait, ils utilisent des caméras stéréoscopiques, c'est-à-dire des caméras constituées de deux objectifs, avec un objectif pour chaque œil. Et ils sont bien sûr écartés de 70 mm environ. Tout est lié. La première technique, c'est l'anaglyphe. Alors c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur avec sa voix très virile? Eh bien le monsieur, il dit que les images à l'écran sont composées de trois couleurs en différentes quantités. Du rouge, du vert et du bleu. Si sur une des images, on conserve que la couleur rouge, et sur l'autre, on garde les couleurs vertes et bleues, ce qui nous donne du cyan, alors si on utilise des lunettes bicolores avec un côté rouge et un côté cyan, notre cerveau capte un rush par œil. Le cerveau superpose tout ça, et on voit en 3D. La deuxième technique, c'est la polarisation de la lumière, ou la 3D passive. En fait, une onde lumineuse, elle peut être orientée dans l'espace, et c'est ça qu'on appelle la polarisation. Donc cette fois-ci, un peu plus compliqué, on utilise des filtres polarisants pour orienter l'onde de la caméra gauche de façon horizontale et celle de droite de façon verticale. On utilise donc des lunettes noires polarisantes, celles qu'on a maintenant au cinéma. C'est-à-dire que le côté gauche ne laissera passer que les ondes horizontales et le côté droit que les ondes verticales. Puis comme vous l'avez compris, c'est autour du cerveau. La dernière technique, c'est la 3D active, en opposition à la 3D passive, ou bien la projection alternée. Alors comment ça marche ? Eh bien, on envoie une image de la caméra gauche, puis de la droite, puis de la gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, etc. Les lunettes qu'on a, elles sont accordées à cette cadence, pour rendre un verre sur deux opaque ou transparent. Et comme ça, on voit bien l'image destinée à notre œil au bon moment. C'est cette technologie qu'on peut avoir chez nous avec nos téléviseurs. Ce qui va différencier les téléviseurs, c'est donc la cadence des images, et donc les lunettes qui vont être associées. Et ces lunettes, on va bien sûr pouvoir les recharger, les utiliser à volonté à la maison, et comme ça, on sera libre de nettoyer notre pantalon chez nous. Merci David pour ta chronique. Tout de suite, une petite pause musicale avec Feel So Close de Calvin Harris et on revient juste après pour le petit jeu. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Right now, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Vous êtes de retour sur Radio Fadjet dans la 8e émission de Mission Impossible. Si vous venez tout juste d'arriver, Léa nous a parlé de la recherche, Axel de la conductivité thermique et David des lunettes 3D. Alors pour clôturer cette émission en beauté, vous le savez, on termine toujours par un petit jeu et ce sera encore le cas aujourd'hui. Ouais. Youpi. Pas avec Axel. Merci les chroniqueurs pour votre, pour votre enthousiasme, ça fait toujours plaisir. Du coup, je vous ai préparé 3 petites questions, une sur chacun de vos thèmes. Et dans chaque question, il y a un bonus. Donc en gros, chaque question, c'est 2 sous-questions, ok? Donc, la, c'est première, trop mathématique. La première question, c'est en rapport avec la chronique de David. Ah, la meilleure. Quand ont été inventées les lunettes 3D? T'as pas des propositions? Non. Ah, super. J'attends une année. Ok, attends. Le cinéma déjà, en noir et blanc? Déjà, si vous pouvez me donner la période, je veux dire, pas l'année exacte, mais la décennie, au c'est, moins le 20e siècle. C'est l'invention ou c'est par rapport au cinéma? Pour le cinéma. Ah, ok. Moi, je dirais vers l'an 2000-2010, entre 2000 et 2010. C'était avant ça. Avant ? Ouais, c'était avant ça. C'est mon arrière-grand-père, il en avait déjà. Non, c'est vrai ? Ouais. Enfin, tu sais, au cinéma ? C'était les lunettes bicolores à la base. D'accord, ah, ok. Ah, mais ouais, ok, les trucs rouge et bleu, là. Les trucs oui. rouge et bleu, okay. C'est ce dont j'ai parlé juste avant. En fait. Ouais. Ouais, je pense que c'est 1980 ou 90. 1980, je dirais. Enfin, des années 80. Ah, moi j'aurais dit 2000, mais ok. Axel, est-ce que t'aurais une suggestion de période? Il a vécu 2000. Bah écoute, moi je vais dire 76, allez. Eh ben, c'est David qui est le plus proche, donc bravo à toi, t'as bien travaillé ta chronique. Ça a été créé, inventé en 1986, et peut-être un peu plus facile, la nationalité de l'inventeur. Français. Américain. J'en ai aucune idée. Français aussi. Désolé. Eh ben, c'est Léa, la gagnante de ce petit bonus. Mmh. Effectivement, c'est un Américain, donc j'ai pas le nom exact, mais c'est assez facilement trouvable sur Internet. Donc on enchaîne tout de suite avec, du coup, sur la chronique d'Axel. Donc là, c'est peut-être une question un petit peu plus scientifique. Je vais vous donner 3 métaux. Quel est, à votre avis, le meilleur conducteur thermique entre l'or, le laiton et le platine? C'est-à-dire, si vous mettez votre main sur de l'or, du laiton ou du platine, lequel va vous faire le mieux transmettre sa chaleur, s'il est chaud, par exemple. Alors, j'ai déjà palpé de l'or, mais les autres, non. T'as dit or, laiton et... Or, laiton et platine. Moi, je vais dire platine, mais c'est vraiment, vraiment random. Hein. Je vais dire le laiton, juste pour... Vous êtes sûr que vous êtes ingénieur? C'est l'or. C'est l'or, effectivement, et assez de loin, parce que vous vous rappelez, Axel, vous a parlé tout à l'heure de la conductivité du corps humain, c'était 0,5, bon, je vous abrège l'unité. L'or, c'est 317. Ah oui, d'accord. Le laiton, 150. Et le platine, 107. Donc, malgré tout, même le plus mauvais des trois reste quand même un assez bon conducteur. Ah oui. Et là, toujours sur l'or, est-ce que vous avez une idée du prix d'un kilo d'or? Combien vaut un kilo d'or? Oh, c'est super cher, ça, je sais. Ouais, je dirais, je sais pas. En vrai, je pense pas que ce soit... Enfin, ça paraît cher, mais je dirais 27 000 euros, tu vois. Je vais dire 50 000. Est-ce que vous avez d'autres propositions, Léa? Attends, je réfléchis au prix d'une bague. En général, une bague, ça coûte quelque chose, 50. Ouais, mais une bague, tout, c'est... tout le travail qui est fait dessus. Ouais, je dirais 25 000. Eh ben, c'est David, c'est 50 000. Bon, c'est un petit peu plus, mais bon, on va quand même lui donner le point. Je crois que c'était 52 000, mais 50 000, c'est quand même une très bonne estimation. Donc, bravo à toi. Merci, c'est gentil. Pose ce téléphone, David. Merde, ils m'ont vu. Et du coup, vous vous en doutez, la dernière question sur la chronique de Léa. Est-ce que, bon, la première partie, je pense que vous allez la trouver assez facilement. Est-ce que vous pouvez me donner le nom des 3 plus grands groupes de cosmétiques dans le monde? Les 3 marques, voilà. Il y a le groupe LVMH. Mais après, c'est un groupe. Ouais, mais LVMH, ils ont... Ah non. Les 3... T'as L'Oréal. Ouais, L'Oréal. Le reste, ouais, Bayer. Et t'as pas avec le groupe qui a Estée Lauder et tout le reste? Il y a un groupe américain qui a Johnson & Johnson, Estée Lauder et quelque chose comme ça. Moi, je dirais Bayer, L'Oréal et en dernier. Je pense savoir duquel tu parles, Léa, mais... En dernier, je vois. Je dirais Nivea en dernier. Je pensais ça, ou Garnier, je sais rien. Alors, vous avez bien trouvé L'Oréal. Et après, il y a Unilever Procter & Gamble. Ah voilà, Procter. Ah, ouais. Et okay. Justement, ma dernière question, ce sera justement sur Procter & Gamble. Est-ce que vous savez combien de marques ça contient, est-ce que vous savez combien de marques l'enseigne possède? Énormément. Ça, ouais, ça doit être compliqué. C'est un nombre. Pareil, si vous me donnez le nombre exact, une cinquantaine peut-être. Peut-être juste les boss, mais déjà si vous pouvez me donner la dizaine ou la vingtaine. Peut-être une cinquantaine. Moi je dirais 100, 120, un truc comme ça. Je vais dire 150, je n'ai aucune idée. Et bah, c'est Léa qui est la plus proche, donc c'est pas parfait, mais c'est 65, donc c'est quand même... Bon, c'est déjà énorme. Oui, c'est déjà énorme. Beaucoup, mais vous m'avez quand même donné 3 bonnes estimations, donc bravo à tous les 3, et puis... Voilà. Merci. J'espère que vous avez appris quelques trucs, parce que sur la cosmétique, vous m'avez un peu déçu, mais bon. Non, sur la cosmétique domaine. Ou sur la conductivité, on t'a un peu déçu. Axel, j'ai un peu l'habitude avec toi, non. Non, je l'adore, c'est pas, je l'adore. Voilà, donc on vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes nos chroniques, donc je vous rappelle Léa qui nous a parlé de la recherche, Axel de la conductivité thermique et David des lunettes 3D sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et on se retrouve dans 2 semaines dans la prochaine émission. Ciao. Salut. Salut à tous.